Seigneur, prends ma vie, mon esprit, tout mon corps, ce que je suis. Oui, fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Prends ma vie, mon esprit, tout mon corps, ce que je suis. Oui, fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Je suis, oui, fais.